marche ou crève. Ouais mec, moi je le ressens dès que je me lève. C'est marche ou crève. Sans trêve de repos, je vois voir le goût de l'argent sur mes lèvres. Dès le matin, comme la zig dans la peau. Un dorou posé des codes bac, un slam. Mi blanc, mi black, musique crack qui vise l'état à la bac. Elle est mystique, magique, c'est ma zig. Des fois déphasée, elle a des tics. Elle narcotique, bien compris, c'est la crise. Un genre politique. Un jour vénère, regarde, j'ai un goût amer. J'pensais grandir face à la mer. Tu veux que je sois sincère, pris pour cible. Le chétan me caillasse et je devrais dire gracias. On parle de shit comme d'hab, de flaque, de fric à faire. Passer du quartier à la classe à faire. Les frérots sur terre-terre s'affirment. 42 for you, où y'a des thugs, des voyous. La classe racaillerie, équipée dans le coffre de la vago. Eh mec, moi j'ai pas le temps d'aller me balader. Ma vie me suffit, j'sais même pas si j'soufflerai sur un gâteau muni 30 bougies. La rue c'est la poésie alors, pourquoi attendre MC Matt. Les cousins blues face au blues qui est pire anti-crew. Moi, même sur écoute, je monte un crew qui portera mon numéro d'écrou. Ouais, dans ma zone, ça part en couille, 12 coups de minuit. Les balances renseignent les 17, puis c'est deux coups de schlass pour les fachos fâchés dans les empreintes des barjots. Répétitivement, esquiver les barreaux, mais c'est mort. Se vanter, n'est pas mon jar, les peines lourdes à porter. J'ai l'aise pour les autres, malgré leur vote, mon pote. Dans ma manche, j'ai trouvé une carte, le joker qui m'indique la liberté esquivée. Il faut se préserver l'opportunité donnée à la maternité, folie à la muerte, mais délicat, je classe les dédicaces. L'état veut me passer à tabac avant. Regarde l'état de mes gars dans des bas sûrs. Je t'affirme, j'abats, bourrache ou pas. Encore des choses à me prouver. Jusque là, donc, se préserver, même énervé. Jusque sur la route pleine d'embûches, elle est longue comme le trafic ou l'embauche. C'est suspense comme dans les épisodes à Bond James. C'est ce que j'aime, fait tourner la bombe. Je me donne à fond pour qu'elle soit bonne. La cour des miracles. Main gauche sur la pipe, main droite levée. Parole d'homme dans rap. Deuxième CD avec un bonhomme. Des neurones pour poser des phrases. Renversant, hein, renversant des phrases sur papier. Énervant les ennemis. Du sang au whisky. Une bastos qui bastonne les bolos. Mais je te fais le bonus. Lèche, chanel jusqu'à maintenant. Fais le B pour demain. Ma démo, la cour des miracles. Sur ma vie, je t'éclate. Deuxième déclic, nouveau titre. Hein, jusque-là, ok, qui peut tester, gamin. D'un coup de main, ton clapet se met sur closette.